posé sur ce fauteuil moelleux. Je reste pensif comme Coralie, bavard dans ma tête comme Johan. Sous le nez, un livre qui me fait voyager. Je me demande si un jour disparaîtront ces frustrations. Je me demande si un jour moi aussi je conduirai, putain. Je me demande si un jour j'aurai un peu d'argent à moi. Un peu d'argent pour voyager, d'argent pour te faire voyager. T'emmener où ce salaud peut t'emmener? Ce salaud qui a la vingtaine, qui a un salaire misérable, mais un salaire pour voyager. Et moi j'aurai bientôt 20 ans et pas d'argent pour voyager, pas d'argent pour te faire voyager. Et même au mieux si j'en aurais, pas de voiture pour t'y emmener, mais bien loin du permis de rouler. Dans mes complexes moi je mourrai, bien trop frustré je crèverai. Les uniques souvenirs que je laisserai seront mes minables scellés. Chanson communique testament que vous vivant, vous écouterez en me pleurant, pleurez mais en me regrettant. Et moi, et moi, et moi, et moi, au paradis, royaume spirituel de l'après-vie, je serai un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré, un ange frustré. Frustré.